la peine. On a grandi avec la haine. Fils, ton reste toi-même. Ta peur devient le monde appartient. Yo, plein de grammes dans un gros winch. Faut qu'on libère l'âme de Port-au-Prince. Ici on fait le drame dans la province. De fric, les belles femmes et le beau linge. Ils nous perçoivent comme des gros singes. Fils, ton reste calme avant qu'on te pince. Ils sont frustrés, même furieux. C'est un monde froid, mon gars. Sors un pull de laine rugueux. Marié à cette ville, on n'a jamais pris lune de miel, juste le ciel pluvieux. J'allume le cigare de couche dans le blizzard. Cette histoire, c'est bizarre, c'est louche. Obstacle à la victoire. Il veut pas qu'un petit noir de souche puisse voir les mêmes milliards que Bush. Tu verras un jour, mon grand. Le monde t'appartient, c'est un lourd slogan. C'est pour ça qu'on court autant. Ils ont soif pour ton sang, c'est le parcours. Comprends, écoute, t'es pas là pour longtemps. Faut que tu savoures chaque court moment. Legendary when I carry the mic. Ta peur devient le monde t'appartient. Yo, un Obia on m'a nommé, je dois trôner. Tu vois on est originaire d'un noyau de royauté. Fais tes travaux tu vas noter qui on était avant l'assaut des braconniers sur le royaume de Dahomey. Avant qu'ils capturent les reines et cachent les statues d'ébène. Le savoir pur ils veulent pas que tu détiennes. Ils accumulent des scènes dans les crapules dans la rue des gaines. Au lieu d'étudier les tables sumériennes. Nouvelle ère, je perds beaucoup de mes frères. La liberté va nous coûter cher. Le grand maître de nos ancêtres nous éclaire. Les dits avec les bandeaux bleus, rouges et verts. Ou ceux avec le compas ou l'équerre. On garde le poing soulevé dans les airs. Bombe à la main, des gaffe, ils sont là pas loin. Les démons bavariens. Moi c'est devant Dieu que j'incline le front chaque matin. On sait pas si on sera là demain. Mais aujourd'hui le monde t'appartient. Legendary when I carry the mic. I was chosen. Ta peur devient le monde t'appartient. Legendary when I carry the mic. Pure hip hop. Monde est à moi. It's yours. Ta peur devient le monde t'appartient. À la fin de la journée, ils veulent qu'on reste pauvre. C'est pour ça qu'il faut que Nex se sauve. Le négro Obia et le coteau, là on plane comme des aigles chauves. Ici je n'ai d'autre arme que mon micro et ma foi inébranlable de mille temps que j'en crois. Le vrai chose.